tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Une année, tenez au hasard l'année 1967, une année lointaine, 50 ans ce n'est pas rien, une année, lorsque l'on veut l'évoquer, la deviner, la sentir, il faut parfois sortir des studios, oublier les entretiens habituels, de grande qualité mais peut-être trop polissés, et descendre dans la rue. Ou grimper sur les tréteaux, ou hanter les coulisses d'un théâtre ou d'un festival, festival qui ignore et pour cause qu'il est un festival pré-68. Par chance, on peut alors rencontrer le jeune fondateur du Festival de théâtre universitaire de Nancy. En critique, en éreinte parfois, en encense, on est engagé. Une certitude, on n'a pas le droit d'ennuyer le public au théâtre et une appréciation amusée, les gens se battent après le spectacle, alors très bien, c'est un succès. Première diffusion sur France Culture, le 26 juillet 1967. France Culture vous présente Soirée au Festival de Nancy, émission de Jean Couturier et Jean Duvigneau. Depuis 5 ans se tient à Nancy un festival international du théâtre universitaire qui rassemble des troupes d'acteurs non professionnels venus de plus de 25 nations. Ce festival comporte 2 parties, une pièce dont la durée ne dépasse pas 1 heure et un thème imposé sur lequel les compagnies composent librement une action dramatique. Ce thème est souvent plus intéressant que la pièce. Cette année, il s'agissait de présenter un jeune couple dans une société hostile ou indifférente. Un jury décerne un prix, bien entendu, mais ce n'est pas le plus important. L'intérêt du Festival de Nancy est d'être d'abord une école de spectateurs. Ainsi, aujourd'hui, dans cette première émission, nous avons surtout laissé la parole à la libre critique du public de jeunes, rassemblés au théâtre municipal ou dans les cafés de la place Stanislas, réservant pour une seconde émission de réunir les critiques, les membres du jury et les organisateurs. Bebeu teu suor vendido. Este chão te é conhecido. Bebeu tua força de marido. Este chão te é conhecido. Bebeu todos os teus filhos. Este chão te é conhecido. Bebe nidez de menino. Este chão te é conhecido. Bebeu-te até os domingos. Já não tens mais força contigo. Deixa de semear ao cumprido. Já não leva semente na mão. És agora o próprio grão. Já não tens mais força na mão. Jacques Lang, vous êtes l'animateur de ce festival international de Nancy. Et pour une année encore, et ce ne sera certainement pas la dernière, ce festival vient de se dérouler. Quelles sont vos impressions premières de ce dernier festival ? J'ai le sentiment que ce festival est sans doute le festival qui a obtenu, enfin, à tous égards, la réussite la plus totale. J'entends par réussite, d'abord une très grande homogénéité dans la qualité respective des différents spectacles, mais surtout des efforts faits par chaque compagnie pour entreprendre un travail de recherche individuel tout à fait intéressant. Et j'ai le sentiment que jamais encore le festival n'avait atteint ce niveau d'exigence et de qualité dans le travail. Par contre, il me semble qu'il y a un petit point noir, c'est le relatif échec ou le demi-succès de l'expérience du thème imposé cette année. Mais je crois que ce serait alors une critique, que ce serait un défaut plutôt, si ce festival présentait une homogénéité du point de vue des esthétiques, du point de vue des réalisations elles-mêmes, du point de vue du contenu des réalisations elles-mêmes, aussi bien sur le plan esthétique que politique. Ce qui caractérise ce festival, au contraire, c'est l'extraordinaire diversité, l'extraordinaire différence qui se manifeste entre les différents spectacles. Et c'est l'entrechoc de ces esthétiques, l'entrechoc de ces philosophies, de ces politiques qui sont dramatisées sur le plateau, qui constituent sans doute un des plus grands intérêts du festival. Mais vous avez évoqué aussi ce thème imposé dont vous parliez et dont le sujet cette année me paraît, à moi personnellement, extrêmement intéressant. L'histoire du du couple atypique dans la société moderne paraît être un de ces thèmes autour duquel tourne une partie de la littérature d'aujourd'hui. Je ne pense pas seulement à Marguerite Duras ou à des gens qui au cinéma font cela, de Godard à Truffaut. Je pense qu'il s'agit d'un des thèmes les plus vivants. Et je crois qu'une des raisons peut-être du manque d'intérêt que vous avez peut-être trouvé chez ceux qui ont apporté cette pièce, ces improvisations, vient peut-être de la difficulté même du thème. Sans doute. Je ne nie pas l'intérêt du thème, mais nous en discutions tout à l'heure encore avec Planchon. Et il disait très justement que la manière dont le thème était posé était en certain sens un peu fausse, dans le sens où le conflit individu-société était un conflit tout à fait rhétorique, comme ça, ou posé de manière rhétorique. En vérité, le problème du couple, disait-il, ou plutôt la solution du couple, la solution de l'amour, c'est une solution individuelle à une division dans une société. Je crois que c'est juste. Je crois que c'est assez juste. Bien entendu, ce thème aurait pu être critiqué, contesté. Et l'an passé, on a vu des troupes refuser le thème, refuser de l'affronter et s'opposer à ce thème. Cette année, au contraire, la plupart des troupes se sont enfermées dedans et l'ont traité de manière un peu académique, un peu banale, un peu superficielle. Quels sont ceux qui, d'après vous, ont trouvé les meilleures expressions de ce thème dans ce festival ? L'expression est la meilleure chaque fois qu'elle est directe, chaque fois qu'elle est vivante, chaque fois qu'elle est immédiate, chaque fois qu'elle est efficace. Alors, à ce titre-là, les Espagnols, de manière maladroite sans doute, mais de manière sincère et vivante, nous ont présenté un thème très intéressant. Qu'est-ce que c'était ? C'était un couple qui commentait une revue espagnole, une espèce de France Dimanche espagnole, dont nous voyons au-dessus du plateau, par des diapositives, le contenu. Et pendant qu'il commentait gentiment, de manière très superficielle et très, très légère, le contenu de ce journal qui avait surtout pour fonction d'endormir la jeunesse espagnole, se construisait autour d'eux, lentement. Et là, il y avait une idée de théâtre tout à fait intéressante. Certains ont appelé même géniale, c'était un peu excessif. Se construisait peu à peu une espèce de mur avec des pierres qui chacune portaient l'inscription « si ». Si, ça faisait allusion au récent référendum espagnol. Et peu à peu, ce couple, qui ne se préoccupait pas des problèmes concrets de l'Espagne, mais qui ne voyait l'Espagne qu'à travers des mythes, qu'à travers des idées, qu'à travers des clichés, se faisait enfermer, se faisait emmurer, se faisait étouffer. Je crois que les Anglais, du point de vue de la qualité, ont amené quelque chose d'assez curieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais les Anglais ont fait un spectacle tout à fait étonnant qui a fait l'objet de nombreuses discussions après le spectacle. Dans les couloirs, les gens se battaient un peu, s'insultaient, s'invectivaient. Se battaient même, oui. Ah, c'est très bien, c'est un grand succès. C'est très intéressant. Mais disons que les Anglais, alors là, ont fait un travail en soi intéressant, mais qui était vraiment tout à fait étranger au thème. Le problème du couple a été là complètement délaissé. Il a été simplement à l'extrême fin du spectacle, plaqué là-dessus à propos de l'affaire du Vietnam, qui elle aussi a été plaquée sur le thème. C'était essentiellement un happening, une espèce de spectacle comme ça, de défoulement, très beau, magnifiquement réglé, mais qui avait peu de rapport avec le thème initial. In my words, oh, Señor Dew and Mark. Oh, Señor Dew, thou diest on point of fox. Except, oh, Señor Dew, thou do give me egregious ransom. Oh, mes miséricards, aie pitié de moi. Moi shall not serve. I shall have 40 boys, or I'll fix thy rim out at thy gorge in drops of crimson blood. Est-il impossible d'échapper la force de ton bras? Brasque! Oh, damned and furious mountain goat, promise me brass. Pardonnez-moi. Oh, sayst thou me so? Is that a ton of boys? Oh, now, come hither, boy. Ask me this slave in French. What is his name? Écoutez, comment êtes-vous appelé? Monsieur Lefer. He says his name is Master Lefer. I'm ferret him. Discuss the same in French or two. I don't know French for fur and ferret and furk. Which, be prepared, or I will cut his throat. Que dit-il, monsieur? Il me commande de vous dire que vous faites vos prêts, car ce soldat ici a disposé tout à cette heure de couper votre manche. Oui, comme le gorge, comme le boy. Peasant, except thou give me crowns, brave crowns, or mangled shalt thou be on this my sword. Ah! Oh, l'amour de Dieu. Me pardonnez. Je suis gentilhomme de bonne famille. Gardez ma vie et je vous donnerai 200 écus. What are you doing? 200 écus. He says he's a gentleman of a good house and pays his ransom he will give you. Et je crois que ce qu'a amené ici Knapp, que j'avais vu préparer à Lausanne n'a pas rempli l'espoir qu'on mettait en lui. Oui, les réactions ont été, à l'égard du thème, plus favorables que celles que l'on a eues à propos du spectacle lui-même. Ce thème qui manifestait une espèce de volonté révolutionnaire, comme ça, et puis de critique à l'égard du Vietnam, avait, objectivement, l'allure d'un thème d'une présentation très réactionnaire et avait pour fonction de présenter le peuple vietnamien tellement résistant, tellement courageux, tellement fort, qu'il n'était plus besoin, de la part des Occidentaux que nous sommes, d'intervenir pour soutenir le peuple vietnamien. C'est la critique principale qui a été faite à Gardem. Une autre critique, ça a été que les moyens utilisés étaient parfois grossiers, parfois même superficiels, le recours à des procédés très connus, les soldats, par exemple, se servant de leurs fusils comme sexe, qu'ils masturbaient. Cela dit, enfin, les spectateurs, dans leur majorité, ont, je crois, assez apprécié ce thème qui manifestait un certain travail préalable, qui exprimait un travail préalable de la part de la troupe suisse. Là, vous avez donné deux idées. La lune qui porte sur un problème purement idéologique, là on peut discuter, et je crois que l'idéologie n'a rien à voir avec le théâtre. Et le deuxième sur un problème de moyens qui est beaucoup plus efficace. Le problème de moyens, l'histoire des fusils. Tout de même, on trouve ça chez Peter Brook aussi. Oui. Il y a une influence sans doute des méthodes, des efforts de Brook sur ce qu'a fait Knapp. Enfin, du moins, je pense que Knapp l'a pensé ainsi. Nous avons retrouvé au café de la place Stanislas les acteurs du théâtre de Lausanne qu'anime Knapp. Je souhaiterais que nos amis nous parlent un peu et de ce spectacle et de l'accueil qui a été fait ici. Et pour ma part, j'ai vu ce spectacle, je l'ai vu préparé à Lausanne et je l'ai trouvé parmi les plus remarquables que j'ai vu depuis longtemps. Il m'a semblé que le rêve d'un immigré était une formule théâtrale intéressante, sans doute comme on l'a dit, puisqu'on a dit ici beaucoup de choses contre cette pièce, un peu cérébrale. Mais après tout, c'est ce qu'on disait aussi des débuts de Brecht, et c'est ce qu'on a dit aussi du Living Theater. Vous n'êtes pas ni le Living Theater ni Brecht, mais il est intéressant toujours d'être attaqué, il est intéressant de ne pas plaire. Or, ce que vous avez fait est intéressant, a déplu, et sans doute intéressant parce que ça a déplu, et a déplu parce que c'est intéressant. Comment vous avez vu ce spectacle, vous, monsieur Philippe Dinden ? Vu le spectacle, j'ai vu plutôt la réaction du public, si vous le voulez. Elle a été, comme vous le dites, intéressante, parce que le spectacle a déplu, et il a déplu en particulier aux Européens, aux Occidentaux, si vous le voulez. C'est-à-dire que les gens qui ont le plus soutenu et apprécié notre spectacle, ce sont précisément les gens qui étaient concernés par cette représentation, c'est-à-dire les troupes portugaises, espagnoles, tunisiennes, se sont venues nous voir spontanément à la fin du spectacle pour nous féliciter. Ils ont réagi, si vous voulez, instinctivement devant notre spectacle, d'une façon tout à fait positive. Alors que les critiques, le jury, les occidentaux, si vous le préférez, les gens de Nancy, par exemple, ont réagi d'une façon tout à fait cérébrale, en cherchant à faire une analyse du spectacle, une analyse très, très compliquée, en cherchant à voir la grille, enfin sans vouloir prendre le spectacle tel qu'il était donné. Et si bien que... Oui. Ne pensez-vous pas que ce soit en raison même du sujet que vous aviez trouvé pour ce spectacle, l'immigré, enfin l'homme qui vient chercher du travail, qui arrive soit du sud italien, soit d'Algérie, soit de Tunisie, soit du Maroc? Je crois que nous sommes arrivés ici avec deux handicaps. Le premier, c'est d'être suisse. Des gens ont entendu dans la salle le public dire... ce sont tous des fils de banquiers, ils n'ont pas besoin de venir parler du sous-développement. Il serait tout de même intéressant de rappeler qu'à Lausanne existe un théâtre qui depuis longtemps déjà s'est manifesté, le théâtre des Faunés, dont la troupe de Knapp prend pour ainsi dire la suite, et que ce théâtre a toujours été d'une grande vivacité. Oui, alors nous avons eu une très longue discussion. Il y a chaque jour donc, à Nancy habituellement un colloque sur les spectacles qui ont été donnés la veille, et notre colloque a été très très long. Il a duré plus de deux heures de temps. Nous avons encore poursuivi la discussion après avec le jury, et il semble que les grands reproches qu'on nous a faits, c'est de n'avoir pas, d'une part, d'être suisse, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de traiter un problème qui semblerait-il, d'après les critiques que l'on nous a adressées, un sujet qui ne nous concernerait pas, enfin un sujet que nous ne serions pas capables d'aborder de par notre position de Suisse, et d'autre part d'avoir fait un spectacle incohérent. Alors là, naturellement, une création collective, il est difficile de savoir, puisque c'est une des premières fois qu'elle se fait, il est difficile de savoir si véritablement cette chose est cohérente ou non. Là, c'est peut-être pas à nous de répondre. Je peux dire qu'il est cohérent, votre spectacle. Il l'est, Et il a non seulement une cohérence, mais une présence qui m'a paru, quand je l'ai vu, assez frappante. Et je crois simplement que ce sont les critiques parisiens ou qui les entourent qui se trompent. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce jury ? Moi, je pense que ce jury est beaucoup trop sollicité, en ce sens que chaque soir, il doit voir 4 spectacles. Alors, je ne posais pas ce problème. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de la disparité de ce jury ? Vous y avez à la fois des idéologues comme M. Kopfermann, qui sont des brechtiens ou des brechtologues bien connus et qui n'en sortent pas. Vous avez des gens comme Jean-Jacques Gauthier. Et à côté de cela, vous avez des hommes qui aiment profondément le théâtre, comme Jacques Lemarchand. Vous avez des gens comme Dort, qui sont de très bons connaisseurs du théâtre. Alors, c'est tout de même assez disparate et c'est tout de même assez singulier que l'on mêle ces gens dans un jugement. Au nom de quoi vont-ils juger ? Je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui se rallient à Brecht peuvent imaginer de dire qu'il ne faut pas qu'une mise en scène soit visible sur la scène alors que Brecht passait son temps à l'y mettre. J'ai vu travailler Brecht sur la scène de son théâtre au Schiffbauerdamm et je peux vous assurer que ce qu'il essayait d'obtenir des acteurs, ce n'était pas la distanciation qui est une idée qu'il a inventée après, c'était l'absolue identification du personnage de l'acteur au rôle qu'il jouait. Brecht, quand il dirigeait un spectacle, cherchait exactement ce que cherche aujourd'hui un directeur de théâtre de boulevard. C'était même extrêmement frappant. Seulement, les idéologues autour ont inventé quelque chose que lui-même a poussé. Et les Russes, qu'ont-ils amené, les Soviétiques ? Je suis pour ma part, très peiné. Et même, je dois le dire, un peu furieux à l'égard des Soviétiques qui ont pris le festival, qui ont pris le public du festival, qui ont pris les troupes du festival pour des imbéciles, qui sont venus ici avec un spectacle d'exportation qu'ils présentent un peu partout chaque fois qu'ils se déplacent à l'étranger. Et c'est un spectacle qui vient d'une école. On aurait pu au moins s'attendre... Le spectacle venant d'une école a une excellente technique d'expression, aussi bien sur le plan vocal que sur le plan corporel. Mais même sur ce plan-là, le spectacle soviétique était mauvais, était médiocre, ennuyeux, inintéressant. Par la guerre. Et ils la passeront au nom du passé et du futur. Les feuilles tombent, les soldats écoutent la valse. Monsieur est professeur à... Non, monsieur est metteur en scène. Monsieur est metteur en scène, le professeur de l'Institut théâtral de Leningrad. Et vous avez amené ici quoi, au théâtre ? Mes élèves, le jeune metteur en scène qui ont fait le spectacle, chanson visible, qui personnellement ils ont fait, chaque jeune metteur en scène fait son mise en scène de cette chanson. Et vous avez travaillé avec ces gens ? Et vous les avez... Ce sont mes élèves, ce sont vos élèves. Mais le travail de ces élèves sont tout à fait... Personnel. Libre. Et qu'est-ce que c'était ? C'était un spectacle de la chanson de toute l'époque, de beaucoup de pays, sur le thème de l'amour. C'est une grande affaire, l'amour, en ce moment. Ah, beaucoup d'aspects, l'amour tragique à la guerre, l'amour comique, l'amour... lyrique. Alors, dans tous les aspects, ces thèmes sont dans cette chanson. Qu'est-ce que vous appelez l'amour comique ? Ironique peut-être, c'est plus juste. Le scène de le village. Vous n'avez pas vu notre spectacle hier? Non, alors je pense que vous comprendrez plus que si vous verrez ça, parce que c'est très difficile d'expliquer. Vous parlez très bien français. Non, je parle très mal. Quel est le sort actuellement du théâtre universitaire en Union soviétique? Nous avons beaucoup de théâtres de l'université, parce que chaque université n'est pas un théâtre, mais deux, trois. Et nous avons beaucoup, plus de 1000 de théâtres en l'URSS. Vous êtes de Leningrad? Oui, mais nous n'est pas l'université, nous sommes l'école théâtrale superbe, suprême. Et à l'université de Leningrad, il y a un théâtre universitaire? Oui, deux. Et qu'est-ce qu'il joue? Il joue les pièces contemporaines, les pièces classiques, le Réviseur de Gogol, c'est notre pièce classique, et les pièces modernes. Et dans les pièces modernes, qu'est-ce qu'on joue de préférence? Non, la pièce de Rozov, de la pièce de Volodin, ce sont les jeunes auteurs qui écrivent sur le thème contemporain. Et les étudiants aiment jouer ces pièces? Oui, beaucoup, parce qu'elles ont beaucoup de succès. C'est le problème qui émue les jeunes hommes de notre pays. Quand un jeune auteur vous amène une pièce, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne travaille pas dans le théâtre de l'université. Je suis dans le théâtre, dans l'école professionnelle, mais n'est pas dans le théâtre des amateurs. Et vous avez des élèves que vous envoyez ensuite à quel endroit? Dans les grands théâtres, dans les... Oui, les élèves qui travaillent dans le théâtre, dans tout le pays, dans la grande, les petites villes. En somme, vous avez amené ici la troupe de futurs professionnels, oui, de votre école. Oui, oui. Voici un extrait de la fin de la pièce présentée par le Nigeria, et nous avons interrogé à ce sujet un étudiant africain. Si on se place sous un point de vue de critique théâtrale, il y a deux attitudes. Ou bien on assiste, on critique une pièce en soi. Par exemple, on dira que tel acteur n'a pas montré le caractère de jalousie, le sentiment de jalousie chez Andromaque ou chez Hermione, par exemple. Ou alors on critique une pièce d'une manière globale, d'une manière entière. Moi, je me place dans cette deuxième attitude. Je dis que je prétends que le théâtre africain doit être un théâtre avant tout engagé. Pour moi, la littérature, c'est avant tout un appel, comme disait Sartre, un appel d'une volonté libre, un appel d'un homme libre et des volontés libres. Et je crois que l'écrivain noir, sa première fonction doit être d'être entièrement engagé. Aussi, je regrette que le Nigeria nous ait présenté une pièce, disons, que je trouve assez classique. Comme a dit un récent colloque à la faculté de droit de Nancy, l'auteur de la pièce colombienne El Monte Calvo, un théâtre où la forme prédomine ne m'intéresse pas. J'ai deux critiques essentielles à faire à la pièce. D'abord son thème, comme je vous ai dit. Je pensais qu'il aurait pu faire allusion à un problème plus crucial pour l'Afrique. Non que le thème en soi ne soit pas crucial, effectivement, les mythes, les coutumes sottes sont à dénoncer en Afrique. Mais je pensais que la forme, la manière de les dénoncer devait être plus violente, plus brutale. D'autre part, justement, c'est là ma deuxième critique. J'ai relevé que la pièce ne reflétait pas assez le traditionnel sens du rythme des nègres. L'action, à mon avis, était trop lente. Effectivement, j'ai eu des précisions après du metteur en scène et de l'auteur de la pièce, je crois. Et ils m'ont dit qu'il s'agissait c'était la transmission au théâtre d'un film. D'autre part, les éléments nègres me semblaient assez plaqués. Il y avait une sorte de négritude de façade. Je pense qu'il existe une grave difficulté à tout écrivain noir qui veut produire une œuvre authentique. Il est situé un peu à l'échancrure de deux cultures. D'abord la culture blanche, la culture occidentale et la culture nègre. Or, il veut exprimer son originalité. Or, pour le faire, il utilise une langue blanche, soit l'anglais, soit le français, et il résonne un peu avec des méthodes de pensée blanches, occidentales. Par exemple, un écrivain d'expression française restera cartésien. Je pense que c'est là une grave difficulté, et que pour ce faire, afin de créer un théâtre authentiquement noir, il faudrait que on se situe ce théâtre à l'échancrure des deux cultures. Je crois que, par exemple, des auteurs dramatiques comme Aimé Césaire et Leroy Jones ont très bien montré cela. Et je crois que tout théâtre, avant tout, doit être là. Tout à l'heure, la mairie s'est emplie d'une foule d'étudiants de toutes les nations. Non sans peine, nous avons pu trouver M. Weber, maire de Nancy, au milieu d'un groupe d'étudiants africains et asiatiques. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de ce festival dont il a finalement la responsabilité. À l'époque où nous vivons, il me semble en effet que des efforts particulièrement grands doivent continuer à se faire et à se développer, qui ont pour effet de permettre, non seulement sur le plan des techniques ou de l'intérêt scientifique, de permettre, dis-je, à la jeunesse de tous les pays du monde de prendre des contacts humains, d'apprendre à se connaître et de ce fait à s'estimer et à s'aimer. Et je suis persuadé que des rencontres telles que celles dont nous sommes en ce moment les témoins, qui groupent des jeunes filles et des jeunes gens étudiants de 25 à 27 pays du monde, quel que soit le côté du rideau où ils se trouvent, et vous en êtes le témoin en ce moment, est de nature à faire de gros progrès à cette croisade que les gens de cœur et d'intelligence doivent faire en faveur de l'entente entre les pays, de l'entraide entre les pays, de la paix et de la liberté. Nous avons rencontré le critique de l'UNITA dans son hôtel. Qu'est-ce que vous avez pensé de la troupe qui a amené la pièce que nous avons vue hier, la pièce vénitienne ? C'est un spectacle un peu difficile pour un public qui ne connaît pas l'histoire de Venise, qui ne connaît pas la réalité vénitienne d'aujourd'hui. Ces jeunes gens ont fait, les étudiants de Ca' Foscari ont fait un effort sérieux pour étudier l'histoire de leur ville. Tout ce qu'ils disent, les acteurs disent sur le plateau, est le résultat d'une recherche dans les archives de la République de Venise. Et ils ont voulu monter un spectacle qui voudrait fixer par l'image et par les mots le concept de la décadence de la ville, mais surtout la décadence de la République vénitienne qui était en tant que République oligarchique. Elle était une république, comme tout le monde sait, une république aristocratique, oligarchique, qui a eu une parabole descendante qui a duré plusieurs siècles, mais le point de départ de cette décadence va commencer au 15e siècle. Et ces étudiants-là ont cherché de montrer ça avec leur spectacle qui peut-être est trop raffiné, trop intellectualisé, trop cultivé, mais quand même, il y a là-dedans, je crois, une recherche de faire un spectacle dans lequel il y a de l'histoire, il y a un sens profond de l'histoire. Et ces jeunes gens-là continuent leur recherche sur ce plan, et par exemple, cette année, ont monté, après la Momaria, que nous avons vu hier soir, ils ont monté un spectacle en jouant un texte pour la première fois. Il y a des textes d'un grand écrivain vénitien qui s'appelle Andrea Calmo. Eh bien, ils ont pris ce texte qui n'a jamais été joué et qui a été publié à la moitié du XVIe siècle, Et là-dedans, ils ont voulu faire comme une espèce de continuation de ce spectacle de la Montmaria. C'est-à-dire que, comme dans la Montmaria, ils ont voulu exprimer, montrer cette idée de la décadence de la République vénitienne oligarchique dans le spectacle de Andrea Calmo, ils ont voulu montrer le peuple de Venise, les classes subalternes qui étaient en réalité au dehors de cette histoire. Ils n'ont jamais participé à la grandeur de Venise et ils vivaient dans des conditions tout à fait subalternes. Et ce spectacle-là, c'est la continuation de la Montmaria. Et je crois que pour comprendre la Montmaria, il faudrait voir même ce spectacle-là. Madame Chartrand, vous êtes étudiante dans un organisme dont le nom est très mystérieux, qui s'appelle le CUIFERD, mais qui signifie Centre Universitaire International de Formation et de Recherche Dramatique. C'est un institut qui fonctionne à Nancy et qui, je crois, a pour fonction de former des acteurs et des gens de théâtre. C'est pas pour former des acteurs et des gens de théâtre, ça s'adresse aux gens qui ont déjà fait du théâtre ou qui veulent en faire, mais pour les faire réfléchir. Enfin, sur leur métier, à savoir que pour les acteurs, c'est intéressant parce que on a des cours où on les invite à réfléchir justement sur la méthode de travail qui de l'acteur. Qui fait les cours ? Alors, les cours sont donnés par des professeurs de la faculté de Nancy, des professeurs soit de lettres, soit de droit, qui font des cours communs sur les pièces. Ce sont des spécialistes de théâtre. Ils ne sont pas spécialistes de théâtre, enfin, disons, d'une optique théâtrale. Ce sont les professeurs de lettres. En fait. Et puis, il y a des cours qui sont faits spécialement pour nous. Alors, comme sur Nancy, en fait, des spécialistes de théâtre, il n'y en a pas. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, par exemple, Mario Baratto vient de Venise. Baratto est un professeur de littérature également. Oui, mais enfin, il a une façon de parler de Rouzante qui est très importante pour les comédiens dans la mesure où il ne fait pas ça du tout de façon littéraire. Enfin, Et qui d'autre vient également ? Bernard Dort qui vient de Paris. Et puis, alors eux viennent assez régulièrement et puis alors on a des conférences faites par des metteurs en scène ou des comédiens, tout ça s'inscrivant dans un programme de 5 pièces sur lesquelles on doit réfléchir, sur lesquelles on doit établir un mémoire en choisissant une mise en scène qui a été réalisée. Ah, parce que vous devez écrire un mémoire. Oui, on écrit un petit mémoire. Alors on a 5 pièces au programme. Mère Courage, Paolo Paoli, Biedermann et les incendiaires, La visite de la vieille dame, Les paravents et La danse du sergent Musgrave. Oui. Et dites-moi, ces pièces, vous les considérez comme représentatives du théâtre d'aujourd'hui. Pourquoi ? Elles ont été choisies comme représentatives du théâtre d'aujourd'hui et dans la mesure où toutes, enfin, peuvent entrer dans le thème plus général qui avait été choisi de... théâtre et société, enfin... Enfin, disons que toutes ces pièces ont 10 à 15 ans d'âge, c'est-à-dire qu'elles représentent le théâtre d'aujourd'hui, d'hier, mais elles sont en même temps très importantes. Et je crois qu'elles font de formation très bonne pour vous. Mais comment conçoit-on alors cette formation ? Parce qu'ici, vous avez parlé surtout de mémoire, donc de littérature, finalement. Vous terminez par un texte écrit. Mais du point de vue du théâtre lui-même, de la création dramatique, que se passe-t-il ? Alors, c'est-à-dire que dans la mesure où le mémoire qu'on fait est la retranscription, l'analyse d'un spectacle qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas la pièce de façon littéraire. Si on a à en faire une analyse, c'est prendre la pièce et essayer d'en voir les mouvements essentiels comme le ferait un metteur en scène. Enfin, et à partir de ce travail, on étudie, par exemple, moi, le groupe dans lequel je travaille, on étudie la mise en scène que Peter Brook a réalisée pour La danse du sergent Musgrave. Alors, on étudie la pièce à travers... la vision qu'a choisi d'en donner Peter Brook et on étudie, on écrit dans les théâtres, on va sur place, on obtient des photos, des enregistrements, on discute avec... Vous ne craignez pas quelque chose, si vous voulez, là c'est un peu un spécialiste qui parle, que quand vous étudiez une mise en scène comme celle de Brook, qui est très remarquable, vous étudiez une chose qui dans l'œuvre de Brook est momentanée par rapport à son œuvre. Vous ne craignez pas de fixer et de stabiliser quelque chose qui est mouvant. La création dramatique, surtout celle de Peter Brook, est en mouvement continu, en changement. Oui, enfin, là, le problème pour nous, tel qu'il nous est posé, n'est pas de rendre compte de l'évolution de Peter Brook, mais de parler des différentes mises en scène du sergent Musgrave. Alors, un groupe étudie celle de Peter Brook, un autre étudie celle de Lindsay Anderson, et un autre celle de Jan Cuthbertson. Et puis, on essaiera, à partir de ces trois travaux, d'essayer de faire des comparaisons. Mais il est évident qu'on ne considère pas qu'on sait tous sur ce que fait Peter Brook à partir de... Et la formation de l'acteur, comment la voit-on? Je vous y ramène. Les résultats pratiques, enfin, ça n'est pas... comme si on était une école qui formait des comédiens, à savoir qu'on avait formé des comédiens qu'on pouvait lâcher sur une scène. On s'adresse à des gens qui viennent de pays très différents et qui travaillent ensemble pendant un an et qui découvrent des choses que dans leur pays on ignore. Et c'est pour ça, enfin, quand vous disiez tout à l'heure que le théâtre d'aujourd'hui, on étudie celui d'il y a 10 ans, en fait, il faut bien se dire que pour quelqu'un qui vient, d'Afrique du Sud ou de Pologne, les pièces qui sont celles de cette année, ils ne les connaissent pas du tout et on leur fait découvrir quand même. Malheureusement, je peux objecter, mademoiselle, quelque chose, c'est que pour un jeune étranger qui cherche les pièces de cette année, ce n'est pas en France qu'il les trouvera. Les étudiants italiens avaient amené une pièce intitulée « Les Doges de Venise » qui racontait l'histoire de la vieille cité. Et les Américains, un ballet mime, en marge de Jeanne la Folle, de Gombrowicz. Nous allons entendre des extraits de ces deux œuvres. Capitano de Venezia. Mehmet Shiroko. La Fortuna de Venezia. Kanakubo. Le Tre Mani di Venezia. Giofer Chiagia. Sagittaria di Napoli. Osman Celebi. Due Dolfini di Candia. Osman Akan. Cristo resuscitato da Venezia. Agapasso. Cristo flagellato da Corfù. Albasso di Aleppo. L'angelo di Venezia. Ibrahim. L'angelo di Corfù. Tatarari. Il mondo di Venezia. Salat Fakir. Moi, j'ai vu la présentation, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une dure soirée pour moi parce que c'était tellement ennuyant. Primo, les Italiens qui ont oublié la chose principale qu'on n'a pas le droit d'ennuyer les publics au théâtre. Et d'autre part, les Américains qui font une expérience nouvelle, mais pour moi absolument fausse. Moi, j'adore Grotowski. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour la théorie d'Artaud, mais je trouve ça comme un échec absolu. De l'action surtout. Et la pièce italienne, vous l'avez aimée? La pièce italienne, oui. J'aimais le décor, la musique, mais enfin, au point de vue visuel, c'était très bien, mais au point de vue action, c'est là. Seulement ce qui concerne le spectacle italien, le thème de la pièce libre, je pense qu'il était un travail honnête. Il n'y avait pas d'intérêt actuel, mais c'est un bon travail historique. En ce qui concerne les autres spectacles, je pense qu'il était une catastrophe, spécialement la pièce libre des Américains. De l'Italie, c'est difficile d'expliquer. Je vais expliquer isto. O que é que eu pensei do espetáculo da Itália? Quer dizer, gostei muito da encenação, mas mas que não estou, que não, não é um tipo de espetáculo que me interessa. Mas c'est pas um tipo de espetáculo que me interessa. Je n'ai pas aimé tellement le spectacle des Américains, ni le thème, ni la pièce. Le spectacle est terminé. Nous voici à nouveau dans le café de la place Stanislas, où tout le monde se rencontre, étudiants, acteurs, étrangers. On écoute dans un grand déchaînement la musique, on danse, et en fin de compte, l'on prête l'oreille aux chansons anciennes qu'amènent les Finlandais et sur lesquelles nous terminons. C'est la troisième fois que je suis ici à Nancy à voir le festival. Et je crois que c'est le niveau des spectacles en général, c'est le plus bas. Merci. Je suis très déçu par l'une et par l'autre pièce, un peu moins par les Américains. Vous avez assisté à la présentation ce soir ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le public est dégueulasse. Oh, pardon. Le public est très mauvais. À part ça, les pièces ne sont pas fameuses, mais par rapport à ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est bon. Bon. Oui. Oh, ben, c'est pas mauvais quand même. La pièce italienne était pas mal. Mais je crois que les avis sont partagés. Et est-ce que vous jouez le festival depuis plusieurs années ? Non, c'est la première année. Merci. Vous avez cité la présentation ce soir de théâtre. De théâtre ? Oui. Ça, c'est pas très gentil. J'aime bien les Italiens, surtout la pièce. Mais j'avais une place très très mauvaise. Malheureusement, j'ai vu seulement moitié la scène. Mais j'ai pas aimé du tout les Américains. Pourquoi ? Vous pouvez me le dire ? C'était pas bien exprimé. Moi, j'ai pas compris de quelle est la pièce, quel thème imposé. Ça me dit rien. C'est la première année que vous venez ici ? Moi je suis ici. Vous êtes ici. Non, oui. Vous suivez le festival depuis plusieurs années ? Oui, oui. Non, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous en pensez du festival en général ? J'ai bien aimé. Est-ce que vous croyez que c'est utile ? Ah oui, absolument. C'est pas seulement pour le théâtre, mais pour beaucoup de choses. C'est de rencontrer des jeunesses, faire connaissance, je ne sais pas, je trouve très utile. Merci. Vous avez assisté à la présentation du théâtre ce soir ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, n'est-ce pas ? J'ai pensé que la troupe italienne était pas mal, mais j'étais fort déçue par les Américains. Vous pouvez me dire pourquoi ? J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de travail, dans la première partie du moins. Merci. Comme ça ? Jos tarkkaan katsot tuonne taivaan laitaan, voit nähdä pilven taikka hattaran. Jos maata katsot niin kuin talon poika maitaan, voit nähdä pienen sienen siellä kasvavan. Siis katso pilveä ja katso sientä yhtaikaa vaikka taikka vuorottain. Kookasta pilveä ja pientä sientä ja laula yksin taikka kuorottain. Pilvi vaikka kuinka suuri nousta saahan, niin kauan kuin ei nouse sienen muotoinen. Ja sienin myrkky sienikin saa nousta maahan, niin kauan kuin ei nouse pilven korkuinen. Ja siis laulakaamme, kun laulaa saamme. Tämä ei ole hiljainen kevät. Jos jotkut laulua ihmettelevät, niin vastatkaamme, kun huutaa saamme. Tämä ei ole hiljainen kevät. France Culture vous a présenté Soirée au Festival de Nancy, une émission de Jean Couturier et Jean Duvigneau, avec la participation de M. Jacques Lang, directeur du festival. Prise de son, Roger Garandeau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 1967. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. On n'attendait pas 1968 pour palabrer et refaire le monde, surtout au théâtre. On ne détestait pas se battre dans les couloirs et en coulisses. À Nancy, Jack Lang parlait avec Roger Planchon. Quelques dizaines d'heures plus tard, le même Roger Planchon répondait aux questions du public, aux questions ou aux attaques du public, d'un autre public. Extrait de l'émission de Roger Pillaudin, En marge d'Avignon, municipalités et créateurs. Je voudrais demander moi aussi une précision à M. Planchon, comme tout le monde. Vous avez réclamé le pouvoir pour les créateurs. Mais comment définissez-vous ce pouvoir? Qu'est-ce que vous entendez par là? À travers ce que vous m'avez dit, moi j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la possibilité pour les créateurs de faire ce qu'ils veulent dans un budget donné sans avoir de compte à rendre. Mais là, il ne s'agit pas d'un pouvoir, il s'agit d'un droit. Le pouvoir consiste à faire faire aux autres ce qu'on veut et pas à faire soi-même ce qu'on veut, n'est-ce pas? Il y a un distinguo qui m'apparaît, moi, très, très important. Alors, si vous réclamez le droit, dans un budget donné, de faire ce que vous voulez, soit, parce que vous avez fait, vous, personnellement, l'épreuve évidente de votre talent, mais le pouvoir sur autrui, c'est tout à fait autre chose. Maintenant, je voudrais tout de même noter que quelques animateurs culturels ont semblé en décalage avec vous, Moi aussi. Pour une raison, c'est que la participation du public semble, dans votre exposé, celle qu'on peut réserver à quelqu'un qui suit. Et alors, faudrait, là encore, définir plus précisément, vous l'avez fait, ce que vous entendez par créateur, les critères que vous accordez à cette race élue. Et il y a des créateurs, effectivement, qui ont fait, bon, d'une façon indiscutable, la preuve d'un talent devant lequel tout le monde est prêt à s'incliner. Mais où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Il ne s'agit pas seulement de genre. L'homme du cabinet qui écrit tout seul, bon, celui-là, il n'a pas le pouvoir. Celui qui se lance dans un art plus social comme le théâtre, oui, mais où? Parce qu'enfin, tous les créateurs n'ont pas de talent. Et qui va déterminer que l'homme qui a du talent et celui qui n'en a pas? Bien. J'espère que tout le monde a vu un petit dessin animé qui était très drôle. C'est un dessin animé américain qui m'a toujours bien plu. On voit comme ceci un lapin qui veut absolument faire du cinéma. Alors il court dans les studios d'Hollywood, il essaie de rentrer comme ça, et toujours on le chasse, on lui envoie des coups sur la tête, comme ça, pam, on le cogne, etc. Et puis, c'est tout le dessin animé, il prend des coups. Et à la fin du dessin animé, brusquement, on lui dit, écoutez, ça y est, c'est d'accord, vous faites du cinéma. Vous avez qu'à monter, arriver, alors on le pomponne, on lui met du maquillage, etc. Et il arrive comme ça au milieu, au milieu du studio, il y a là un paysage de campagne qui est installé, toutes les caméras, alors il est comme ça très content, et brusquement, il dit, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, vous vous occupez de rien, vous avez simplement à dire qu'une seule chose, où sont les chasseurs? Et à ce moment-là, 2000 fusils sortent de tous les coins, et il est fusillé. Bon. Attendez, je vais répondre sur les points précis maintenant. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de chasseurs ici. Mais je veux bien jouer le rôle du lapin, ça ne me dérange pas. Vous m'avez fait une subtilité en divisant pouvoir et droit. Bon, je veux bien. Sur un plan linguistique, on peut discutailler, d'ailleurs, ce que vous dites. Car à mon avis, quand un directeur d'entreprise dit « moi j'ai le pouvoir », il entend qu'il a et le pouvoir et le droit. Hein ? C'est-à-dire que sur un certain plan, on pourrait discuter votre affirmation. Qu'est-ce que j'appelle le pouvoir ? Je veux bien vous faire cette concession. C'est le droit de décision. C'est-à-dire, on nous demandons que les élus municipaux décident, ou l'État, du budget, et à partir de là, si vous voulez, qu'ils abandonnent leurs prérogatives. Voilà de quoi il s'agit. C'est le droit de choix, c'est de ça dont il s'agit. Seulement, évidemment, pour illustrer un peu plus fort, j'ai choisi un mot qui vous choquait volontairement en disant le mot « pouvoir ». Parce que de la même manière qu'aujourd'hui les Noirs réclament le pouvoir, j'ai voulu choisir un mot qui fait exprès slogan. Je m'excuse de donner à mes phrases une forme de slogan. C'est cela que j'ai voulu dire. C'est le pouvoir de choix, de décision. Bien. Vous répondez maintenant comme ceci qu'on se préoccupe peu de la participation du public. Je vous affirme et je vous jure que quelqu'un qui passe sa vie à faire des discussions dans le public, qui passe son temps à dire ceci, étouffe quand vous me dites que je m'occupe peu du public. Il ne s'agit pas seulement de suivre, il s'agit de faire comprendre le problème. Simplement, tout à l'heure, je me suis adressé ici aux élus municipaux. Je n'ai pas parlé du public, j'ai divisé les choses, j'ai dit « il y a ici des élus municipaux et je veux parler à eux ». Et parlant à eux, j'ai dit comme ceci, il s'agit pour vous de céder le pouvoir. Si vous me demandez de définir ce que doit faire le public, mais je sais parfaitement, je peux vous en parler pendant 15 minutes si vous voulez, je suis d'accord pour le faire. Mais il me semble que c'est un peu hors du débat puisque je m'adressais à des conseillers municipaux. En grande majorité. À partir de là, je voudrais dire que, effectivement, le problème que vous posez à la fin est très compliqué. Qui va déterminer ? Qui va déterminer ? Je ne sais pas bien qui va déterminer. C'est certainement, et ça va être une réponse que je vais vous faire, ne souriez pas si vite, ça va être précisément la jonction de deux choses. Ça va être d'une part ceux qui possèdent le pouvoir politique et surtout le public. Bien sûr, d'une certaine façon, mais ça ne va pas de soi, c'est compliqué, parce que nous savons que la démocratie a tout à apprendre sur le plan culturel. Je ne connais pas exactement la solution, simplement je demande qu'on pose le problème d'une façon juste. Je suis d'accord avec vous, simplement, si vous voulez, il ne faut pas, parce que c'est difficile, recourir à l'ancienne méthode qui consiste à choisir la solution du plus grand nombre, parce que la solution du plus grand nombre, elle ne marche pas non plus. Bon, je voudrais dire maintenant tout à l'heure une chose qui a été dite et qui m'a paru très bien, car je crois que c'est vous qui l'avez dit. Vous avez parlé en tant que fonctionnaire et vous avez dit « dans une municipalité, on admet qu'il faut un technicien aux ponts et chaussées, qu'il faut un technicien à la construction. Donc, les villes, si j'ai bien compris votre pensée, vous me dites si je la déforme, les villes doivent admettre que sur le plan culturel, il faut un technicien. Eh bien, je voudrais approuver cette déclaration, c'est tout. » dans ce domaine-là, un technicien de la culture sera-t-il, alors ce créateur, pour le moment un metteur en scène, sera-t-il créateur et aura-t-il le pouvoir dans tous les domaines de la culture ? Le directeur de la Maison de la Culture, qui est très souvent parti d'un directeur de troupe théâtrale, a-t-il le droit ? A-t-il les pouvoirs en matière de peinture, en matière de bibliothèque, etc. ? Est-ce que c'est juste, ça ? Ou bien alors, est-ce qu'il faut que chaque créateur, le peintre, chaque créateur ait son pouvoir ? Et dans ce cas-là, tous ces pouvoirs, il faut bien qu'ils se réunissent quelque part. Et il faut donc qu'il y ait non pas un technicien de la culture, mais des techniciens de la culture. Je crains fort que jamais le pouvoir ne nous soit donné, car jamais quiconque n'a donné le pouvoir, mais l'a abandonné, sous la pression des événements. Et je crois que c'est ce qui est important. Et la définition de l'animateur auquel vous faites allusion, c'est l'homme qui est capable, par son action, par l'adhésion populaire, publique, qu'il entraîne derrière lui, de faire pression sur les pouvoirs publics, sur ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. Je dis que je crois que nous détenons en fait le pouvoir. Mais en droit, nous ne l'avons pas, et c'est là-dessus que nous sommes contestés, et c'est là-dessus qu'on tient... que les gens qui tiennent les cordons de la bourse ont tendance à nous rappeler que la réalité du qui paie règne existe encore. Mais de fait, c'est nous qui avons les pouvoirs. Ils le savent très bien. Quant à l'omnicalité de l'homme en question, effectivement, je crois qu'aucun d'entre nous n'est capable de répondre à cette vocation multiple, bien sûr, mais on s'entoure, c'est évident. Seulement, ce qui est important, c'est d'avoir une personnalité qui puisse rassembler autour d'elle d'autres personnalités qui aillent dans le même sens, qui aient les mêmes préoccupations profondes, avec des compétences techniques différentes, bien entendu. Il est évident qu'il s'agit de réunir, de donner le pouvoir à une équipe de créateurs, si on arrive à l'équipe. Simplement, pour le moment, je suis navré, mademoiselle, pour le moment, il se trouve que les peintres n'ont pas réclamé ce pouvoir. Il se trouve que les littérateurs ne le réclament très peu. Alors, si vous voulez, plus il y aura des artistes qui le réclameront, plus il faudra aller vers, effectivement, une direction collégiale des artistes. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas renverser en disant comme ceci. Puisqu'ils sont plusieurs à réclamer la chose, on va nommer quelqu'un de neutre qui les commandera tous. C'est ça que nous nions, c'est ça que nous contestons. Extrait de l'émission de Roger Piaudin, En marge d'Avignon, municipalités et créateurs. Réalisation Jean Couturier. Première diffusion sur France Culture le 27 juillet 1967. And what costume de personne en Harley Davidson. Demain à la même heure, suite du week-end théâtral. D'un jour à l'autre, le Living Theatre, que suivra l'émission Images et visages du théâtre d'aujourd'hui, entretien avec Patrice Chéreau et Ariane Mnouchkine par Moussa Abadi. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.